ni poutre ni chevron, qui n'a ni poutre ni chevron. C'est pour léger les hirondelles. Que direz-vous, Cadet Roussel? Ah, ah, ah, mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a trois habits, Cadet Roussel a trois habits. Deux jaunes, l'autre en papier gris, deux jaunes, l'autre en papier gris. Il met celui-là quand il gèle, ou quand il pleut et quand il grêle. Ah, ah, ah, mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a une épée, Cadet Roussel a une épée. Très longue mais toute rouillée, très longue mais toute rouillée. On dit qu'elle n'est ni bonne ni belle, c'est pour faire peur aux hirondelles. Ah, ah, ah, mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a trois garçons, Cadet Roussel a trois garçons. L'un est voleur, l'autre est fripon, l'un est voleur, l'autre est fripon. Le troisième est un peu ficelle, il ressemble à Cadet Roussel. Ah, ah, ah, mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel est bon enfant.